Le 19 courant, sont arrivés à Sinŭiju les matériels d'aide humanitaire offerts par le gouvernement coétien en Corée à propos des dégâts subis l'année dernière par l'inondation.